à votre disposition sans souci, sans problème. Cœur blessé par une vie acharnée, étouffé des sales blâmes, sache que je crache que des flammes, je râle pas, je bats de ceux qui portent plaine, portent quinte, même main sur les scènes, hors d'Athènes, fente même hors norme, hors borne, hors son, mauvais garçon, mais chez ce qui est bon, œil droit, t'es rodé, y'a plus de loi, y'a plus de foi, ma foi, je l'ai vu aveuglé, dérivé, ne plus se retrouver, mon histoire délivrée, à ce qui se passe, non, où j'étais, putain, où t'étais, tout se referme, je suis en mode été, pour délayer les problèmes, je vais pas en faire mon emblème, car trop de choses traînent, aime ton prochain, traîne ton procès, cherche tes prophètes, qu'est-ce que tu procèdes, devenir procédure, sans procédure, la rue ça durcit, sans sursis, sur ce au revoir, au miracle, la gorge racle, en attendant un miracle, éclate les têtes, pendant que tu traînes, dans les fêtes, faites mine, des mémensons, fais style, des mémensons, car là n'est pas la chose, piquant comme une rose, je rosse mes esprits, je cultive mes esquisses, à ce qui se passe, à ce que je vois, c'est l'effet miroir, sur mille lois, je me limite, car une voix, celle de mon cœur, sans peur effleure, les pensées de jeunes délabrés, comme les murs que je ken, mes reines me fera céder. Mes jambes ne vont jamais décéder, j'en sortirai décédé. C'est 10, c'est le 1000, 10, c'est le 1000, c'est 10, c'est le 1000, 10, c'est le 1000, 10, c'est le 1000, 10, c'est le 1000, 10, c'est le 1000. Sorti du tombeau, explosion urbaine, j'arre pour les vrais, donc y'a pas beaucoup de monde qui me comprennent, comme très peu ont de la veine, mais beaucoup ressentent la haine, expulsé par tous les moyens, au moyen d'un stylo, noir sur blanc, bas sur haut, bras dans le dos, car ça le vaut, et vaut mieux car je reviendrai pas deux fois, ma foi, je m'y aventure, peut-être je perds mon temps, je me glace le sang, à mettre mon son sans sursaut, car je sais comment souffle, j'explique, premièrement j'ai pas choisi ma vie de souffler, soupirer ainsi, exercice, car en vert sévère, un mode sévère, dur très dur, voilà comment tout ça s'avère, un, deux, trois verres et voile toutes tes pensées, un hurlant, une soif, tu crois que jette mon encre en tremblant, à faisant semblant, pas de peur, pas de reproche, mais putain des regrets, voilà ce qui bouffe une existence, sans durée intense, sans chier, jusqu'à que l'alcool te mette en transe, entrer dans un mauvais style, de lyrics débiles, non c'est pas mon genre, moi je finis, l'indélébile, lisible, un texte habile, c'est l'explosion urbaine, très vite dépensée, sur ce qu'on peut se pencher, sur le temps, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui nous emporte, qui nous motive, à courir comme tous des locomotives, des fois faut qu'on se prive, bientôt ça sera pire, car le monde sur lui-même s'aspire, c'est ce qui m'inspire, d'être spectateur. Vas-y bouge pas le boule, cette zite n'est pas faite pour, sinon je me mets en boule. Je me rends compte que vraiment tout ne tient qu'à un fil fils. Les relations intimes dépendent de ta propre tolérance. Faut pouvoir connaître la même dent, soit avoir de la chance. Trop de loups voulant bouffer les brebis. Ramène ta meute avant qu'elle même s'enfuit. Fuite de mots, c'est le commérage de trop. Fallait pas parler, finis-les à ce qui paraît. Maintenant fonce si t'es pas sûr de te maintenir sur le mur. Elles n'ont pas tête mûre, mais une vie sûre. Ou c'est que de la blessure. Je lève la main, j'enlève mon cœur pour les prods, mauves, les pop fauves et les grosses connes, pas de face. Rap de classe. Bas dans masse, c'est mieux de regarder devant au lieu de demain, au lieu de se retourner pour voir si hier personne te suivait. C'est juste ce putain de passé, je l'ai vu, il s'est cassé. Faut se rappeler que du plus important, y'a rien à comprendre, on en ensemble. T'as eu les sous, j'ai eu la merde, t'as vu la merde. Regarde PD, je t'ai pris les sous, mais les souvenirs restent, les cicatrices creusent, la goutte qui coule sur mon front. Les joies sont plus pâles que les douleurs. La vengeance n'a pas de couleur, de moment ou même de peur. Je charrie pas, j'ai pas les mots pour ça, j'ai pas les mots pour ça. J'arrive pas, j'ai pas les mots pour ça. J'arrive pour les vrais.